Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec des grands noms, des gens puissants. Nous sommes avec Julien, le rédacteur en chef de Dissident, et puis avec Vincent, le rédacteur en chef lui aussi de Dissident, mais du fixe de Dissident, c'est ça ? C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, salut Vincent, salut Julien. Plein de questions à vous poser, évidemment. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet rapidement ? Alors, qu'est-ce que c'est Dissident ? Dissident, c'est donc un MOOC qui existe maintenant depuis deux ans et demi. Et en fait, on s'est lancé, on avait fait un fanzine dans un premier temps qui s'appelait Les Carnets de l'Assemblée, qui a duré un petit peu plus de 3 ans. Ouais. Et on a eu une belle expérience avec ça et on voulait faire un projet un petit peu plus pro, un petit peu plus pro dans le contenu, en tout cas dans la ligne éditoriale, dans l'illustration, dans la maquette et tout ça. D'accord. Et donc on a réuni une équipe qui nous paraissait vraiment vraiment de qualité, vraiment motivée. Tu peux citer 2-3 noms qui travaillent dans Julien Clément, David Robert, qui sont les tenanciers du blog Les Mondes en Chantier. Ouais. Ludovic Papé qui tient la boîte à eux. Ouais. Il y a d'autres gens qui nous ont rejoints aussi après, hein, des gens comme Romain Duissier, il y a Jérôme Larré qui travaille aussi un petit peu avec nous, Laurent Devernay, il y a Xaramis, François-Xavier Coindé. Ouais. C'est donc, que de noms de gens qu'on croit sur les forums, ce oui, genre bah, de choses. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Sur des forums comme Casus Eno, par exemple, pour la plupart. Là, Casus Eno, Antonio B, ouais. D'accord. Alors, quand tu dis professionnel, tu veux dire aussi faire intervenir des gens qui ont de la bouteille dans le milieu du jeu de rôle. Voilà. Ouais. Parce que on voulait vraiment passer un palier, proposer vraiment une ligne éditoriale bien réfléchie, différente de ce qui s'est fait pour l'instant dans le jeu de rôle avec d'autres magazines qui étaient très axés critiques, scénarios et de jeux. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites alors dans votre magazine ? Alors, on a beaucoup d'articles de fond déjà. Ouais, On présente les différents métiers du jeu de rôle, par exemple. On a parlé des cartographes, on a parlé des boutiques là dans le dernier numéro. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a attiré tout de suite dans votre. Alors, faut dire un MOOC. Un MOOC, alors, c'est ça, pas un magazine. Si c'est un tu MOOC, nous expliques ce que c'est qu'un MOOC. Bah, vas-y, Vincent, je te laisse. Vincent, un peu parler. Alors, le MOOC, en fait, ce mot vient de la fusion de magazine et de book. Ouais. Donc, magazine de par le contenu. Book, on va dire, plus par le format. D'accord. Et par le côté un peu intemporel. Dans Dissident, on ne parle pas vraiment d'actualité. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver le livre dans une bibliothèque et de pouvoir consulter comme un documentaire d'actualité. C'est ça. Ne jamais être à la mode pour ne jamais être démodé. Exactement. En fait. Il y a quand même un effet de mode dans Dissident. Ça va être les scénarios, les jeux qui vont être abordés à travers les scénarios. Dans chaque Dissident, il y a, on va dire en moyenne, 5 scénarios. Ça va 5, 6, on est monté jusqu'à 7. Mmh. Ça dépend des aides de jeu qui sont fournies. Donc, c'est pour ça que le nombre de scénarios varie. Ouais. Donc voilà, ça va être les jeux abordés dans ces scénarios-là qui vont être représentatifs du moment et de l'actualité. D'accord. Sinon, au niveau des rubriques, donc, comme le disait Julien, on a ce qu'on appelle le WIP, donc le Work in Progress, où en fait on va faire un zoom sur un maillon de la chaîne de fabrication d'un jeu de rôle. Donc on va parler des traducteurs, des auteurs, des illustrateurs, des cartographes, des boutiques, qui est le dernier maillon, qui est tout aussi important. Alors, qu'est-ce que vous entendez par... Pardon, excuse-moi. On a fait le playtest aussi, on a parlé des chefs de projet. Chef de projet. Ok. Ce que vous entendez par cartographe, c'est les gens qui dessinent les cartes dans les jeux de rôle. C'est un métier qui peut être oublié, et pourtant qui est super important. Pour le joueur, pour le meneur, et qui, enfin, il y a des cartes qui sont juste magnifiques, qui mettent en valeur le monde et qui donnent envie de. Donc voilà, on a fait une interview sur des cartographes. D'accord. Après, au niveau des rubriques, pour continuer un petit peu sur la ligne éditoriale de Dissident, on a le match. Alors le match, ça, on va opposer deux jeux qui ont un point commun. Un point commun au niveau du thème. Donc, dans le dernier numéro, on a fait Néphilim et Trinité, par exemple. Alors, c'est un match qui se veut objectif. On va vraiment mettre à plat les deux jeux pour que derrière, le rôliste, le meneur, déjà découvre ces jeux et puisse faire son choix. D'accord. Après, on a des matchs un peu plus discutés. acceptable. On va dire, par exemple, il y a eu Tedeum contre un massacre contre Warhammer. Ouais. Donc là, le point commun. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi on avait opposé. Voilà, voilà. Alors le point commun pour nous, c'est la Renaissance abordée de deux manières différentes, d'un point de vue dark fantasy ou d'un point de vue historique. D'accord. On a eu des matchs plus pour la culture rôliste, on va dire. Donc il y a eu COPS contre Berlin 18, en sachant très bien que Berlin 18 n'est plus du tout disponible. Mais voilà. Et pour donner aussi un exemple du ton du match, parce que le ton est aussi une patte propre à Dissident. D'accord. On va pas casser les jeux, loin de là. C'est vraiment faire une présentation objective. Présentation, d'accord. Donc c'est pas des critiques, c'est... Non, c'est pas une critique. Un petit peu. En fait, par exemple, pour COPS versus Berlin 18, on essaie toujours d'adopter le ton de l'article en fonction du match. Donc dans celui-ci, par exemple, c'est deux flics qui sont en patrouille dans une voiture. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail littéraire sur les articles. C'est-à-dire, ça dépend, pas toujours. Ah ouais, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que... Mais on essaye d'avoir un ton plaisant. C'est pour ça, après, entre des rubriques sérieuses... Ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas de rechercher l'objectivité, c'est aussi de se faire plaisir à écrire un texte sympa, agréable. Voilà. Agréable à lire, agréable à écrire. On essaye de proposer aussi des rubriques un peu plus légères, un peu plus humoristiques, entre deux articles sérieux. Le poulpe contre le pulp, ou je sais pas. Ça, c'était un match. Ouais. C'était aussi un match dans le thème. Cthulhu contre Followers Expedition. Cthulhu jouait façon pulp. D'accord. Donc voilà, au niveau des rubriques aussi, on a le à froid. Donc la rubrique à froid est un package en fait où on va chroniquer un jeu qui est déjà sorti depuis quelques temps, où il y a déjà un ou deux suppléments de paru. D'accord. Ce qui nous permet en fait d'avoir, donc c'est une critique où on aura joué au jeu, on aura pris le temps de jouer au jeu, on aura pris le temps de l'éprouver un petit peu. C'est important pour vous ça de toujours, parce que ça fait deux fois que tu insistes sur le fait que vous jouez au jeu, que vous critiquez. C'est un engagement politique de la part des rédacteurs-chefs de Dissident. Dissident. Dans le fixe, on va plus donner des avis de lecture. C'est pour ça qu'on appelle ça des avis de lecture dans le fixe. En fait, c'est vraiment pour qu'on est plus dans l'immédiat, alors que pour Dissident, on prend plus le temps de faire les choses. Vous faites clairement la distinction entre avis de lecture et critique du jeu. C'est ça. D'accord. Donc, avis de lecture, c'est juste mise en page, graphisme, agréabilité. Présentation de l'univers. En quoi consiste, enfin, quel univers, dans quoi vont jouer, les joueurs, le système de jeu, présenter le système de jeu, comment ça tourne. La présentation du système de jeu, mais tu peux pas vraiment juger le système de jeu avant d'avoir joué. C'est juste une présentation, ça se joue comme ça, des caracs, on jette des gifs un peu, expliquer. D'accord. Ouais, c'est bien ça de faire cette distinction là déjà, je trouve. Intéressant. Donc voilà. Donc là c'est le cas froid, le cold case. Voilà, c'est pas une critique à chaud, du coup c'est une critique à froid. Tu prends un vieux jeu sorti de... Quelques mois. En général, ils ont un petit peu moins d'un an. Avec un ou deux suppléments. Donc il y a eu du Shade dans le à froid, il y a eu du Metal Adventure, il y a eu... Il y a eu Z-Corps dans le dernier numéro. Voilà, donc il y a eu un ou deux suppléments. On voit vers quoi tend la gamme, vers quoi tend le jeu déjà, l'univers, comment il s'étend. Et vers la gamme, est-ce que ça va être des suppléments de background, des suppléments de... Est-ce qu'il y aura des scénarios? Ça, c'est important. Donc, donc on a vraiment un recul et puis on peut donner comme ça une critique argumentée. D'accord. Dans les autres rubriques, en dehors du thème, parce qu'on a un thème aussi qui est important et qui est fort dans Dissident. Ça, c'est vraiment le thème que vous mettez en avant. C'est vraiment une question qu'on se pose sur le jeu de rôle à ce moment-là. C'est vraiment c'est ce qui est mis en avant quand on regarde. C'est vraiment ce qu'on met en avant sur le jeu. Quel genre de questions vous posez sur le jeu de rôle, Julien? Dans le premier numéro, on s'est demandé quelle était la place des femmes aujourd'hui dans le JDR. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueuses, mais pour les auteurs, est-ce qu'on leur laisse plus de place dans les jeux eux-mêmes? Est-ce qu'on les traite normalement, j'ai envie de dire, et plus comme des bimbos écervelés, quoi? D'accord. Attends, 30 secondes, parce que je vois Cobal qui vient d'arriver. Il assiste. Cobal, prends un micro. On parle de Dissident. Bonjour. Dissident, t'es un lecteur ou pas? Bien sûr, j'ai tous les numéros. T'as tous les numéros, t'es un fan, t'es bien un fanboy. Oui, je suis un fanboy, complètement. On était en train de parler des thèmes qu'ils abordent, qui sont particulièrement sexy, je trouve. L'argent du jeu de rôle. Mais voyons, Cobalt, tu sais bien que ça nous intéresse tout ça. Oui, bien sûr. Il y a aussi le sexe dans le jeu de rôle. Je m'en rappelle pas en tout cas. Les femmes dans le jeu de rôle. C'est pas forcément la même chose. Voilà. Ah bon, quand même. Cobalt, ce fantasme, voilà, les futurs sujets. Il s'est créé son propre thème. Par contre, le thème sur les femmes dans le jeu de rôle, vous l'avez abordé de quel point de vue ? C'est-à-dire, vous avez reproché aux rôlistes leur sexisme ? Non, en fait, ça a été traité à travers plusieurs articles de fond. Vincent. Il y a déjà eu... on a interviewé donc, Neko... J'inverse vos prénoms depuis tout à l'heure, c'est trop chiant. Vincent. Vincent. Donc on a interviewé Neko tant qu'éditrice et meneur de jeu. On a été interviewé des joueuses. Voilà, est-ce que être joueuse à une table entourée de gars, est-ce que voilà, quelle est la sensation, est-ce que ça joue pareil, être meneuse de jeu et avoir que des gars à sa table, comment c'est perçu, est-ce que voilà. Donc ces articles, on a une interview comme ça, une interview croisée. Ouais. On a un article de fond sur jouer. Une femme, ne pas jouer dans des gros clichés connus. Pour changer un peu. Pour changer un peu, donc comment jouer une femme, sans faire les gros clichés. Ouais. C'est un reproche général que je fais, alors jusqu'à aujourd'hui, parce que je trouve que le statut des femmes dans le jeu de rôle est encore un petit peu le statut de babes, comme on peut en avoir dans le jeu vidéo, dans les salons automobiles. C'est ce qu'on pensait aussi, un peu triste. On a parlé en fait, donc pour ce numéro-là, on a parlé à des joueuses, enfin des femmes en général, qui ont un caractère quand même bien bien marqué. Hein, et on s'est rendu compte que pour elles, ça se passait relativement bien quand même. Donc elles n'avaient pas cette sensation. Voilà. L'autre jour, on a fait un calcul, c'était avec Sylvie. On regardait la convention, on était à l'UDESCO je crois, on regardait les meneurs de jeu et il y avait beaucoup de femmes qui jouaient mais il n'y avait aucune femme qui menait alors qu'il y avait énormément hier c'est le constat que j'ai fait aussi. Il y a encore un peu de sexisme quand même dans le jeu de rôle. Hier, j'ai joué cette nuit à Octogone quoi, donc j'avais regardé un petit peu, il y avait une femme par table. Il y avait des meneuses de jeu. Je veux dire, j'ai vu à Octogone, effectivement, j'ai vu. Il y avait des meneuses et il y avait une femme en moyenne, une femme par table. Donc du coup, non, pour moi, c'est... On approche du 30% au jugé comme ça, vu de nez. C'est quota. Le jeu vidéo disent qu'ils sont à 50-50, là, ça y est. Il y a un joueur sur deux est une femme, apparemment, dans le jeu vidéo. Grâce aux Sims. Cobalt. Grâce aux Sims. Mais dans le jeu de rôle, on n'y est pas encore. Il faut bien voir que la plupart des jeux vidéo sont conçus par des hommes pour des hommes. Ouais, ça c'est un autre problème, ouais, c'est carrément. Et ça se sent dans la façon dont sont traités les personnages. Et le jeu de rôle, ça va ? On y échappe à peu près ? Le jeu de rôle, à partir du moment où on conçoit un jeu de rôle pour tout type de personnage, on évite cet écueil assez naturellement, je pense. Alors. Petite digression, normal hein, dans le podcast de la cellule, rassurez-vous, c'est normal. Donc on va quand même revenir à Dissident. J'aimerais qu'on parle un peu d'argent. Qui c'est qui vous tient? Parce que je sais que Casus est vendu à Black Book, mais vous, est-ce que vous êtes indépendant? Nous on est complètement indépendant. Moi, je dis ça avec humour. On a monté la structure nous-mêmes. En fait, on est parti de zéro vraiment. Un ami nous a parlé d'Ulule. On s'est intéressé à la chose et on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être réussir à financer la version papier du numéro 1 par ce biais-là. Ça a très bien marché. Si bien marché qu'on a même sorti le 1+2 en fait, du coup, pour remercier les gens. Ouais. Et vu qu'on était aussi un petit peu en retard, mais ça il faut pas le dire. Mais si. Les gens t'en voudront pas d'être honnête, voyons. Il y a prescription depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème pour ce premier numéro? En fait, on était vraiment très pris par la rédaction du 2 et ça aurait pris du temps pour imprimer le 1. Ouais. On aurait sorti le 1 juste un petit peu avant le 2. On s'est dit qu'il valait mieux faire un gros numéro, que ça passait mieux. Et puis, comme ça, on a pu l'offrir aux gens qui nous ont aidés pour Ulule. Donc vous êtes bien rattrapé. On s'est bien rattrapé, ça va. Donc voilà, et vous financez toujours par Ulule? Non. On s'est lancé comme ça, on a financé le premier numéro comme ça. Ouais. Et depuis, les ventes suffisent à imprimer le prochain à chaque fois. D'accord. Et donc, donc on est. Ah, c'est top ça. Vous êtes au top là alors? Voilà. Voir un peu plus parce qu'on a pu se permettre de sortir un hors série cet été. Et bientôt, Cobalt. On se fera des vacances, je pense. J'aurais une question en termes de financement. Quelle est la part des PDF vendus par rapport au bouquin physique? Alors, j'ai pas les chiffres là comme ça, mais de tête. Je pense qu'en nombre de ventes, on est plus ou moins équivalent entre les PDF et les papiers. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Vous avez évalué, c'est à peu près pareil. Ce qui nous rapporte le plus, c'est... Imaginez pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient vous soutenir, il faut faire quoi? Il faut acheter plutôt le papier ou plutôt le PDF? Alors, ce qui nous rapporte le plus, très légèrement, c'est le PDF. Ouais. Mais le papier, c'est plus beau, ouais, voilà. Et c'est dans le temps, ça dure. Ça dure, les gens le voient quand ils traînent sur une table. Donc c'est équivalent, en fait. Voilà, les quoi. Deux ont leur avantage et leur. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'adore avec le MOOC, c'est que tu laisses aux chiottes et que du coup, tout le monde te pose des questions. C'est génial, c'est le super format là-dessus. C'est que toi, même les grands-parents, tes parents qui viennent chez toi, comme tu as tes magazines et tes magazines de jeux de rôle ou de jeux de cartes dans les chiottes, ils les regardent et puis ils t'en parlent. Ils disent « Tiens, mais c'est vrai que tu fais du jeu de rôle, toi ?» Puis tac, ils te posent des questions. Ça aussi a cet avantage-là, le papier, quoi. C'est que c'est concret. Forcément, alors qu'un PDF, forcément, PDF, on lit dans son coin. Voilà, c'est pas forcément très social, ouais. Quoi. Voilà, c'est pas social. Voilà, c'est ça le truc. Ok. Mais en termes financiers, c'est le PDF qui vous rapporte très légèrement. Plus. Ouais. Très légèrement. C'est ouais. pas très très notable. C'est vrai qu'on n'a pas dit pour nos auditeurs, mais vous avez ces deux propositions là, c'est-à-dire que vous vendez en papier et en PDF. C'est ça. Je sens quand même que vous avez une petite affection pour le papier, une petite préférence vous pour le papier. Hein, comme tous les releases, oui. Hein, je pense encore. C'est plus agréable, voilà. C'est plus agréable à lire. On peut le sortir quand on veut, le feuilleter. Il y a le plaisir de l'objet. La maquette, elle est mieux mise en valeur. Ouais. Donc le papier définitivement. Si pour moi, si vous me demandez de me conseiller entre le PDF et le papier, je conseillerais le papier. Allez-y, prenez parce le papier, que c'est l'aboutissement aussi de notre travail. C'est quelque chose de concret. Le PDF, même si on gagne plus en termes de bénéfices. Acheter les deux, en fait. Ouais, c'est très bien. Pourquoi choisir? Non, finalement, acheter les deux. Ok. Donc, vous êtes totalement indépendant, vous vous autofinancez. Oui. Jusqu'à maintenant, vous êtes sur une ligne de croissance et vous en vendez de plus en plus. Ou c'est variable, ça dépend des thèmes. Non, il y a un ou deux numéros qui se sont très très bien vendus. Mais en général, ils arrivent tous à être épuisés au fur et à mesure. Donc, parce que vous imprimez à une quantité fixe. Oui, c'est ça. Et puis après, vous dites, épuisé, quoi. Voilà. Le numéro, il est épuisé. Ouais. Parce que souvent on dit dans le jeu de rôle qu'il y a le mécanisme du le premier se vend très bien, le deuxième moins, etc. Mais ça touche pas les magazines en fait. Ça touche les jeux. Non, c'est pas. En tout cas, c'est pas notre cas. Nous, chaque numéro qu'on sort, on est serein au niveau des ventes. Ouais. On a de plus en plus d'abonnés. Ouais. Et les numéros s'épuisent chez le distributeur. On a les quatre. Ah, vous êtes distribué en magasin et tout ça? En boutique spécialisée. En boutique spécialisée. Pas en presse, mais en boutique spécialisée. On est distribué par Millennium. Pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas en presse? Parce que c'est plus compliqué. En fait, ça demande un tirage bien, bien plus conséquent. Et on sait très bien que y aura plein qu'un invendu et qu'on va devoir les détruire. Et, ça vous fait mal au cœur. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le JDR en kiosque, c'est pas forcément une aventure très très très rentable et très durable. Ouais, ça a été tenté. Vous avez des expériences, des retours d'expérience de ça, du JDR en presse? Il y a JDR Mag qui avait essayé et qui finalement, je crois qu'ils sont revenus juste aux boutiques et aux librairies. Il y a Cassius V3 qui était en kiosque, qui a eu du mal aussi. Et là maintenant, la V4 est pas encore en kiosque. Je sais pas si je pense pas que ce soit prévu d'ailleurs. Je sais pas. L'état de la presse dans le jeu de rôle, vous connaissez un petit peu on connaît les gens en tout cas, ça c'est sûr. Vous connaissez les gens. On a des échos. C'est viable. C'est, quand on fait un travail de qualité, c'est viable. C'est viable. Pas, ouais. pas pour en vivre soi-même, je veux dire quoi. Ouais, non, mais ça se vend. Il y a de l'attente, voilà, il y a des rôlistes, il y a des gens pour acheter, donc pour faire survivre le magazine à travers le temps. Faut pas se tromper par contre sur la publication. D'ici là, vous en publiez combien à peu près? Bon, vous n'ayez pas envie de donner vos chiffres, je sais pas, mais on en distribue. Vous en imprimez combien, pardon? Vous en imprimez combien à peu près en moyenne? Peu. Pas assez. Attendez, je sais pas, c'est pas... Non. C'est déjà, si vous en faites 100 ou 200, c'est déjà... Non, c'est plus que ça. C'est un chiffre qui fait peur souvent parce que... T'aimerais en vendre combien? Combien t'aimerais en vendre? On voudrait en vendre 10 fois plus. D'accord, mais... Là, du coup, tu donnes aucun chiffre, donc, Julien, allez. Il y a combien de rôlistes? Olivier Caïra disait qu'on était à environ 50 000, tu crois à ça, Cobal? 50 000 rôlistes? Ouais, tu penses que c'est plus? 50 000 rôlistes, je pense qu'on est plus, mais des vrais pratiquants qui achètent la presse, C'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Plusieurs milliers? Plusieurs milliers, ce serait bien. On n'y est pas encore. Mais t'es au millier déjà? Ou pas? Non, t'es pas loin. En touille, on va dire ça. C'est bien, on commence à approcher là, on a une petite fourchette, c'est bien. Mais je trouve ça bizarre de cacher ces chiffres de vente ou d'impression pour une association. C'est pas tellement qu'on les cache, c'est que... Je veux dire, est-ce que c'est grave si vous dites oui, on en sort 1000 ou je sais pas quoi? Non, c'est pas grave. Des tueurs ukrainiens envoyés par Black Book vont venir vous dessouder ou... Non, mais là, ils sont juste en face de nous, donc c'est pour ça. On va se méfier. Non, mais bon, déjà. Les histoires de chiffres, on va pas jouer à qui a la plus grosse ou des trucs comme ça. On sait très bien qui a la plus grosse, donc c'est pas la peine. C'est pas le but, si vous voulez. Moi, le truc, c'est juste pour évaluer combien on est, la clientèle qu'il y a pour ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que même pour évaluer notre podcast, par exemple, je vous disais, on a environ 500 téléchargements par podcast, 5000 auditeurs différents, peut-être même un peu plus. On sait pas, on a du mal à s'évaluer. Ah, c'est pareil, nous on sait on sait pas combien on est. Il y a plein de gens qui l'achètent et qui le font lire après à d'autres et tout ça. Oui, tout à fait. Le fixe, je sais qu'il tourne beaucoup en association, comme c'est gratuit, tout à fait. Donc c'est juste histoire de s'évaluer les uns les autres, savoir. Mais je pense que globalement, comme on est tous sur un créneau qui est un peu similaire, on doit à peu près tous avoir les mêmes données en fait. J'espère. Qu'est-ce que je voulais vous demander? C'est quoi le jeu de rôle pour Dissident? Est-ce que vous avez une... parce que je vois par exemple, pour le Grog, il y a des critères fixes qui font qu'on y rentre ou pas. Ouais. Est-ce que par exemple, Parcelli Games, c'est un jeu de rôle pour vous? Complètement. On est un petit peu mal placé par rapport à ça parce qu'on a des gens chez nous qui... Oui, qui tu disais que tu travaillais avec Ludovic Papaïs. Voilà, c'est ça. Donc forcément, on est un petit peu... orienté. Non, on a un petit peu des jeux, mais est-ce que c'est un jeu de rôle? Enfin, c'est un jeu de rôle apéritif. Enfin, en termes de durée, déjà, comment on définit vraiment? C'est du casual gaming. C'est un jeu où on s'amuse, apéritif. Voilà, c'est. Il y a peut-être des cas un peu plus limites. Sweet Agatha, peut-être. Non, c'est particulier, un jeu à deux joueurs. Avec des... Nous, à la cellule, on a eu énormément de mal à trancher pour savoir si c'était du jeu de rôle ou pas, ou si c'était une expérience de création d'une histoire tout seul ou à plusieurs. Ouais. Et du coup. C'est plus du story game. Ouais. Justement, est-ce que vous faites dans le story game On a une rubrique story game. On commence à en parler justement, ouais. D'accord. Dans le dernier numéro, on a ouvert une rubrique sur le story game, justement, sur les jeux. Différents. Avec des mécanismes différents pour raconter l'histoire différemment. D'accord. Donc dans celui-là, on parle de Montségur. Le fiasco. Dirty Secrets. Alors Dirty Secrets, on l'a testé. Montségur, on l'a jamais testé sur la série. Vous pourriez nous en parler rapidement? C'est Ludo qui a fait l'article, donc ça va être difficile. Je l'ai pas lu. Donc, et Fiasco, c'est l'un d'entre vous qui a fait la critique? Fiasco, ouais, moi j'y ai joué. C'est pas moi qui fais la critique. C'est très bon. Fiasco. C'est quoi le thème, le jeu? C'est quoi le thème? On va dire le principe des films des frères Cohen. Chaque joueur part d'une situation de départ, a de l'ambition, énormément d'ambition, plus que ce qu'il en est capable d'arriver. Le principe du jeu, c'est que si à la fin de la partie, on arrive au même point que où on était au début, on est plutôt pas trop mal sorti. Le mécanisme, c'est le mécanisme qui fait le jeu. Bon, puis les joueurs autour de la table, tout ça. Vincent. Mais le mécanisme vraiment est très très bon. Et ça est fait de telle manière qu'on va avoir que des emmerdes sur emmerdes, que des galères. Et va à chaque fois falloir s'en sortir. Grosso modo, pour expliquer le mécanisme du jeu, on a 4D6, que je dise pas de bêtises, 4D6 par joueur, 2D noirs et 2D blancs. Ouais. Je crois que c'est ça le truc. Donc ça nous fait un pool de dés. Un pool de dés blancs, un pool de dés noirs. Au début, c'est un pool de dés commun. On prend tous ces dés, on les jette au milieu de la table, on va avoir plusieurs valeurs, de 1 à 6. Le jeu contient de base 4 play 7. Il y en a d'autres sur le site de Edge qui sont dispo. Il y a un générateur de play 7. D'accord. Donc de base, alors de mémoire, il y en a un, c'est Western. Un village abandonné dans l'Antarctique. Donc oui, c'est vrai pour les auditeurs, le playset c'est comme un sitting, c'est-à-dire c'est de quoi on parle, c'est un contexte, en termes c'est un contexte navire, de contexte, jeu. Un style, jeu. Ça peut être un style, le steampunk, le western. Ben là, il y a western, ouais. Il y a une base dans l'Antarctique, un peu dans le style de le film The Thing. Ouais. Il y a un quartier un peu genre Desperate Wife, un truc comme ça, et le dernier, je sais plus trop. Et en fait, chaque settings, il y a des définis en objets, en relations, je ne sais plus, en événements. Ouais. Et donc, on va devoir choisir un des six. Donc, on va dire, voilà, entre toi et moi, par exemple, il y a eu un crime. D'accord. Voilà. Donc, ça correspond à un 4. Donc, je prends le D4, puis je le mets de côté. Et puis, voilà. Et on va comme ça épuiser le truc. Et toi, tu peux détailler le crime. Donc, tout est proposé hein, ouais. dans le playtest. Et donc, ça va créer des relations entre tous les joueurs. Donc, il n'y a pas de meneur. C'est vrai que là, il n'y a pas de meneur. On s'échange la narration au fur et à mesure voilà, de la ça. Partie. En fonction donc, de, quand on prend les dés, tac, on a. Non, juste cette histoire de dés, au début, sert à définir les relations entre les joueurs. D'accord. Mais je vais juste définir les relations qui entre mon voisin de droite et mon voisin de gauche. D'accord. Et toi, tu feras pareil, ouais. Donc, et ainsi de suite. Ça tourne. Ensuite, le jeu commence. Une fois qu'on a épuisé ce pool de dés, le jeu commence. Le principe du jeu. C'est que, donc par exemple, c'est à mon tour de jouer. Je choisis soit de décrire une scène, ouais. Donc qui va se jouer soit entre toi et moi ou mon voisin de droite, ou je choisis si la scène réussit ou échoue. Donc si je décide de décrire la scène, voilà, on va créer une ambiance, on va créer une histoire, on va jouer les personnages, on va raconter un petit peu ce qui se passe. Et c'est les autres joueurs qui décident si finalement la scène réussit ouais. ou échoue. Ouais, d'accord. À l'inverse. Sur quels critères Aucun. En fait, les personnages, enfin, plutôt les joueurs, essaient de se projeter un peu dans la situation et de dire voyons, alors ça a quand même des chances de marcher ou alors pas du tout. Ça dépend aussi de l'interprétation faite par, le joueur dont c'est le tour, quoi. D'accord. Si, c'est la cohérence globale de ce qui a été raconté précédemment et du setting qui va déterminer si on accepte ou si on refuse une scène. Voilà, exactement. D'accord. Okay. Ou alors on trouve ça plus intéressant que le personnage échoue à ce moment-là. Ah oui, ou l'intérêt qu'on éprouve à voir telle ou telle scène arriver pour la suite de l'histoire. On se réjouit de voir le personnage entrer dans une galère encore plus incroyable que le tour d'avant. C'est assez sympathique. Donc ça, voilà, c'est une petite présentation de jeu comme ça. Parce qu'après, il y a différents mécanismes quand on arrive à la moitié du pool de dés. Parce qu'en fait, si on décide... C'est très intéressant parce que tu vois, t'es parti du système, en fait, pour nous expliquer le jeu. Bah, le système, c'est bien, appuie, c'est démarche, le système appuie la narration. C'est pour ça que je mets en avant le système, parce que vraiment, le système appuie la narration. L'impression que nous sommes sur la même longueur d'onde, messieurs. Dissident et la cellule, peut-être un crossover. Donc Fiasco, c'est un bon jeu, mais il y a d'autres mécanismes derrière, parce qu'il y a un pool de dés commun. Si on décide que la scène réussit ou échoue, on donne soit un dé blanc, soit un dé noir. C'est ça que ça sert. Ah, d'accord. Le dé blanc derrière, on va le donner à quelqu'un d'autre. Ou le dé noir, on va le donner à un autre joueur. Quand on arrive à la moitié du pool de dés, il y a un événement, une catastrophe qui arrive, comme si les joueurs n'étaient pas assez. Il y a un événement, arrive à la moitié du pool de jeu, et ce qui permet de redonner une dynamique, en fait, et de relancer comme ça l'intérêt. l'intérêt du jeu. Okay. Et puis jusqu'à ce qu'on épuise le pool de dés. D'accord. Et les dés, après, on les lance, pourquoi c'est faire ça. Au final, on va se retrouver, chaque joueur va se retrouver avec un pool de dés blancs et un pool de dés noirs. On jette tous les dés en commun et on fait la différence entre les dés noirs et les dés blancs. Et en fonction de ça, ça définit si l'histoire de chaque personnage réussit ou pas. Si c'est le fiasco ou pas, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, on va peut-être revenir sur Dissidence. Cela dit, on aura vu que Vincent s'est présenté un jeu, qu'il est clair. Hein, voilà, donc vous aurez vu. S'il est capable de le faire à l'oral, il est capable de le faire à l'écrit. Parlons de ça, justement, de l'écrit. Comment vous sélectionnez vos rédacteurs s'il y a une sélection? Par exemple, moi, est-ce que je peux m'inscrire? Je vous envoie un article, il y a un comité de relecture. Comment ça se passe concrètement, Dissidence, en interne? Alors, en général, c'est vrai que pour l'instant... C'est vrai que pour l'instant, on a un pool de rédacteurs qui n'est pas fermé. On a un pool dur, en fait, un noyau dur, ouais, d'une dizaine de personnes. Donc, c'est les membres de l'association, c'est ça? Voilà, en fait, ou des proches qui sont là depuis le numéro 1. Quoi. Et quand on a des nouveaux qui veulent venir... Les papiers à tout le monde? Bah, en fait, soit ils nous soumettent un texte, on le relit, on leur dit ce qu'on en pense. Ouais. Soit ils viennent en renfort sur un article, et donc je sais pas qu'ils se font la main, quoi, mais voilà, ils s'imprègnent un petit peu de notre façon de travailler, et donc ils comprennent assez vite comment ça fonctionne, et très vite ils sont indépendants, quoi. D'accord. Ok. Je vois bien. Au niveau des relectures et tout ça, vous refilez les textes des autres? Il y a besoin d'un nombre de relectures par texte? Est-ce que vous avez par exemple deux relecteurs par texte comme ça se fait dans certaines revues? On a minimum deux, on essaye trois. D'accord, c'est bien. Parce qu'on a quand même des gens qui ont des petits problèmes d'orthographe. Il y a Vincent qui lève la main. Donc on fait la chasse aux fautes quand même, parce que c'est quand même un truc qui fait vraiment pas sérieux, je trouve, dans un magazine. Ouais. Même s'il en reste, hein, ça, malheureusement, je pense qu'on peut pas faire sans. Sur un livre de 200 pages, j'entendais une relectrice qui me disait l'autre jour qu'on estimait un besoin de 20 relecteurs différents pour atteindre l'idéal de zéro faute. Ouais. C'est pour vous dire que voilà. Donc ça veut dire que c'est déjà, il y a peu de fautes dans Dissidence, trois relecteurs, ça veut dire que vous faites quand même du bon travail. Donc voilà. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, sur l'orthographe, je me fais tout petit. je participe. Il y a une vraie différence d'esprit entre le fixe et Dissidence. Comment ça marche, en fait, le fixe? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ils sont complémentaires, comme je disais tout à l'heure. Dissidence ne parle pas du tout d'actualité. Alors que le fixe ne traite que d'actualité. Alors là, le fixe est pareil, il y a des relecteurs ou non? Malheureusement, là, on balance. Non. Ça se fait plus dans l'urgence, en fait. Donc, quand on peut le faire, on le fait. Malheureusement, c'est pas toujours possible. D'accord. Donc vous travaillez là, par contre, à chaud, vous balancez les actus. C'est ça, en fait. Le fixe, donc, c'est une newsletter qui paraît en PDF toutes les semaines. Je l'envoie dans la journée du dimanche par paquet de 100. En fait, pour éviter de... Parce que ça arrive que des abonnés le reçoivent dans les spams. Donc du coup, pour être sûr qu'il l'ait dans leur boîte aux lettres tous les lundis matin, j'ai fait des listes de diffusion par 100. D'accord. Comme ça, tu sais, d'accord. Voilà, et puis je les envoie à une heure et demie d'intervalle chacun. Ça permet de, comme ça, de... Le boulot de ouf. Tu fais ça à plein temps? Non, ça dépend. Je m'organise. Je fais. Non, mais ça prend. Ouais. Ça prend pas les. Enfin, ça prend pas. Je lance le truc. Hop, le PC il est allumé. Puis. Vous espérez en vivre de Dissidence à part ça? C'est pas le but, mais si c'était possible, vous le feriez. Je pense pas. Moi, que... je te le dis. Moi, j'espère vivre du jeu de rôle, par exemple. Je suis un fou, moi. Dans l'idéal, ce serait magnifique, évidemment, mais je pense que dans le modèle actuel, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Ou alors il faudrait qu'on un tirage plus conséquent et qu'on vende beaucoup plus. Donc vous travaillez à côté tous les deux. Ouais, on a un travail à côté. Qu'est-ce que je voulais vous poser d'autre comme question? Ça y est, je suis à court. Bon, pour meubler, je peux continuer à parler du fixe. Oui, mine de rien. Ouais, le fixe, vas-y, développe, parce que. On a abordé tous les sujets. Vous êtes rapide, les gars. Vas-y, le fixe, je t'en prie. Donc le fixe, ça traite d'actualité. Ouais. C'est donc un PDF qu'on envoie toutes les semaines. Il y a une ou deux pages d'actu. Donc ça va être des annonces de jeux, des annonces de couverture, des annonces de suppléments. Ça va être aussi des avis de lecture. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi une colonne que j'ai intitulée la vie du web, où en fait, je pars du principe que le jeu de rôle vit aussi à travers les rôlistes. Il y a énormément de productions amateurs ou tout du moins gratuites sur le net. Donc je pense au site de l'Elfe Noir, par exemple, qui propose énormément de scénarios, qui font un très bon travail. Ouais. Donc on va, voilà, dans cette vie du web, dans cette rubrique vie du web, on va parler de tout ce qui alimente le web. Donc c'est là aussi où j'annonce les sorties de la cellule, de Radio Rollist, différentes interviews. Dès qu'il y a des scénarios gratuits mis à dispo, c'est là où j'en parle là, et ainsi de suite. Mmh. Et après il y a le calendrier des sorties qui conclut chaque fixe. Et qui est un travail de titan. Qui est un travail conséquent, ouais. Qui ne traite. Alors, par contre, le fixe ne traite que des jeux français. D'accord. Francophone, peut-être, francophone, si tu as envie de dire. Francophone, ouais. Enfin, les jeux en français, voilà. Ah, et puis, oui, francophone, les jeux. Et donc, pareil pour le calendrier des sorties, et il y en a pour 5 pages, je crois, enfin, 5 ou 6 pages qui s'est classé par éditeur et puis par gamme. Et donc, mettre à jour, c'est juste une horreur, quoi. C'est... Bah ouais, mais par contre, c'est là où j'ai le plus de retours, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui plaît, le calendrier des sorties. Donc voilà. Comment vous choisissez vos thèmes? C'est comme ça, l'envie Pour Dissident? Ouais, pour Dissident. On a un pool de thèmes sous le coude. Après, vous les préparez en contactant des gens, parce que j'imagine que quand on fait un thème par exemple sur loisirs sous influence ou l'argent du jeu de rôle, vous avez tout de suite des idées, vous dites, ah tiens, il y a tel gars qui pourrait nous en parler, vous le contactez. Ça doit être un énorme travail aussi. Bah, on sait ce qu'on aimerait lire, dans ce qu'on écrit, il y a une partie de qu'on aimerait bien lire aussi. Les questions qu'on pose dans Dissident, c'est des questions qu'on se pose, l'argent LJDR, loisirs sous influence, donc du coup, oui, on sait ce qu'on a envie de mettre dedans, parce que c'est des questions qu'on se pose, donc on cherche les réponses. Qu'est-ce que vous entendez par un loisir sous influence, d'ailleurs? En fait, il y a de plus en plus de jeux qui sont des dérivés de licences, que ce soit des romans ou des séries télé. Ça, c'est plus pour les jeux américains. Des bandes dessinées, pour la Brigade Chimérique. Oui, voilà. D'accord. Et donc, on se demandait si c'était pas, si ça devenait pas plus ou moins la norme. Pour réussir que d'être un produit dérivé, voilà. Un produit dérivé, finalement, d'accord, de profiter de l'aspiration d'une licence pour parce que dans le livre d'Olivier Caïra, Les Forges de la Fiction, il explique qu'en gros le jeu de rôle ne peut se créer que si on partage tous des une culture commune, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça expliquerait aussi peut-être ça. C'est plus facile de partager une description quand c'est issu d'une BD que tout le monde connaît, clair, tu vois, je te dis, écris le village d'Astérix, bon bah paf, tu l'imagines, tu l'as dans la tête, c'est bon, c'est réglé. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu de rôle est plus sous influence. C'est plus facile à partager en termes d'imaginaire. D'accord. C'est une fan. Voilà. Une fan hystérique, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça que vous entendez par un loisir sous influence. Okay. Est-ce que vous avez un engagement, comme nous, par exemple, à la cellule, on a tendance plutôt à booster l'indépendance, à être engagé côté indépendant? Non, vous essayez d'être le plus exhaustif possible. On parle des gens avec qui on aime bien parler tous les jours aussi, quoi. D'accord. Je sais qu'il y a des éditeurs qui sont très très sympas avec nous. Ouais. D'autres vous... moins. Ouais. Donc on, évidemment. Non. Cobal. Petit vilou. Il ferait jamais ça sur Radio Rollist. Ben, tiens. Carrément, je te connais par cœur. Donc, non mais par exemple, on a c'est au coup de cœur, en fait. Ouais, voilà, on a de très très bonnes relations avec Sans Détour. Il donne des noms, bravo Cobal. Avec Pulp Fever, mais là c'est plus au niveau personnel aussi. Vu que je travaille aussi pour eux. Non, puis et puis Laurent. Dissident, un MOOC sous influence, point d'interrogation. Bon, on est rôliste, donc on est forcément sous influence. Donc on peut nous corrompre. Corrompez-nous. Non, mais on essaye d'être exhaustif. Mais ouais, bon, on n'a pas de liste noire, quoi, c'est ça. Oui. Non, non, pas du tout. D'accord. À tel point que c'est difficile de parler de tout le monde dans un numéro. On a pu sortir cet été un hors-série scénario et on a essayé de... donc on a parlé de grands jeux, on va dire de blockbusters si on peut parler comme ça. Donc il y a du L'Appel de Cthulhu, du Bloodlust, hein. la brigade chimérique. Et après on a aussi abordé des jeux un peu plus... Ah oui, vous avez un hors-série aussi, je vois ça là. Un hors-série scénario, ouais. D'accord, ouais. Après, on propose un scénario pour Worm, par exemple, pour Sombre, pour Barbarians of Lemuria. Enfin, voilà. Bon, y a 12 scénarios dans le hors-série, mais il y a du L5R, du Polaris, du Jadores, du Devastra. Ouais. Donc, vous essayez. Là, ouais, sur les jeux-là, c'est d'essayer de voir large, quoi. De Sombre à Luchadores, il y a quand même. Il y a quand même tout un pas, quoi. C'est. Mais c'est deux très bons jeux pour autant. Enfin, vraiment, oui, c'est vrai. Non, je... deux très bons jeux. Votre travail de journaliste, en fait, vous le concevez comment? Vous êtes un intermédiaire entre votre lecteur et les éditeurs? Ou alors non, vous êtes un conseil d'achat? Comment est-ce que vous... Je vois à votre regard que vous n'y avez jamais songé, en fait. On s'est jamais vraiment posé la question, mais... Pas dans ces termes-là, quoi. Pour moi, c'est vraiment une démarche plus vis-à-vis du lecteur, au final, de ce qu'on propose en termes de scénario, par exemple. Il y a énormément de scénarios officiels où on essaye. C'est pas pour dire d'avoir un scénario officiel, d'être reconnu par l'éditeur, tout ça. C'est plus vis-à-vis du lecteur, au final. Qui y trouve son compte et qui c'est une certaine garantie. En fait, comme quoi le scénario proposé respecte l'univers, respecte la gamme, voilà. D'accord. Donc, je pense qu'au niveau de la démarche, c'est peut-être plus vis-à-vis du lecteur final. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, pas du tout. Vous avez quelque chose, comment dire? Vous souhaitez quelque chose du jeu de rôle? Vous attendez quelque chose du jeu de rôle? C'est-à-dire, je tourne toujours autour de cette idée d'engagement. Par exemple, moi, je prends par exemple à la cellule, pour donner un exemple. Nous, on aimerait que les auteurs se rémunèrent davantage, se réveillent par rapport aux contrats qui sont signés avec certains éditeurs. Pas tous, hein, des éditeurs qui sont très corrects. Mais voilà, et donc du coup, on les sensibilise à ça. On essaye de... Qu'ils fassent un coming out créatif. Cobal. Ouais, voilà, exactement. Une grève. Et puis bon, on essaye de un des trucs qui nous tient à cœur, c'est de montrer que le système du jeu est important, qu'un jeu de rôle, c'est pas un univers plus un système, mais bel et bien un ensemble cohérent. Bon, voilà, on a ces deux angles d'attaque, et puis après, on fait tous nos sujets un petit peu avec ces angles-là. Bon, on se recycle aussi, hein. Mais voilà, vous, est-ce que vous avez des marottes comme ça ou non? Vous êtes Ouais, nous on se recycle pour chaque numéro au niveau des questions qu'on se pose pour le thème. Ouais, c'est ça. Déjà, ça nous permet d'aborder le jeu d'un certain angle. Après, non, on aime directrice de dissident, quoi. Il y a pas. Parce que dissident, ça fait un peu rebelle, un peu quand même. Truc, hein. Non. Il y a un jeu de mots multiples en fait dans le nom du magazine, enfin du MOOC, pardon. Oh, c'est même moi je m'y mets. J'ai essayé de le décrypter. Alors déjà, il y a D6, le D6 au début. C'est le 6 en fait, le 6 parce qu'on est 6 à l'origine de Dissident. D'accord, ouais. Et c'est aussi parce que on voulait se mettre pas en opposition, mais faire proposer un truc différent de ce qui existait et qui était plus ou moins la norme des magazines de JDR. D'accord. C'est-à-dire sans vouloir non plus trop, mais vas-y, mais... trop tirer dessus, mais proposer un produit un petit peu formaté et pas toujours très très bien écrit on voulait vraiment aller plus loin que ça, quoi. D'accord. On voulait changer du dossier récurrent de Dragon. Voilà, le dossier Dragon, voilà, le dossier les pirate, dossiers, voilà. Voilà, on trouvait pas ça très intéressant. Ah, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous... Ah, ça, c'est... Ah, ça y est, je commence à comprendre. Vous, en fait, votre point, c'est finalement de parler du jeu de rôle comme d'un média. C'est ça. Alors que beaucoup de magazines de jeux spécialisés parle de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il parle des dragons, justement, des choses qu'on trouve dans le jeu de rôle en tant que fiction. Voilà. Vous avez plutôt envie de parler du milieu, du média et tout ça. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. Ce serait ça un petit peu votre touch, ouais. La dissident touch. Ça me fait penser un peu à Bob le Rôliste. Tu te souviens de ce petit e-magazine Cobal, non? T'as jamais vu Bob le Rôliste, c'était un... Il n'y en a eu qu'un, ouais. Il n'y a eu qu'un, non. C'était pas le Bobzine? Ouais, le Bobzine. Il n'y en a eu qu'un seul? Il n'y a eu qu'un numéro, ou alors il est peut-être sorti en PDF après, je ne sais pas. Bob le Rôliste, c'était pas une convention? Alors si, à la base, c'était une convention. Ils avaient fait un petit magazine qui était vraiment pas mal. Et justement, il avait un petit peu cette démarche-là. Et je me demandais si vous en étiez inspiré ou si vous leur avez pu proposer éventuellement. Peut-être que ça les intéresserait. À l'époque du Bobzine, c'était encore les carnets de l'Assemblée. Ouais, donc on était encore sur autre chose en fait à cette époque-là. Non, mais je pense qu'ils pourraient être intéressés par votre démarche, peut-être. Voilà, ils le sont peut-être déjà, on ne sait pas. Oui, si ça se trouve, ouais, si ça se trouve, ils vous suivent carrément. Donc voilà, d'accord. Donc en plus, un magazine sur le milieu des jeux de rôle qu'un magazine sur... D'accord. Ah. Mais en même temps, il y a quand même le petit scénar de Cthulhu, le petit... Ça se veut quand même, là par exemple, le podcast. La revue HS, elle est quand même consacrée à l'intérieur des jeux, du coup, parce que vous proposez des parties. Le but, c'est quand même de jouer, bien sûr, il y a le thème. Même à travers nos thémas, on essaie toujours de le décliner en scénario. Il y a deux scénarios par théma. Donc, une aide de jeu aussi, ouais. Ou une aide de jeu, ouais. Donc sur l'argent et le JDR, et on va faire un scénario où il y a l'argent est en jeu, ou pareil sur les femmes, pareil sur le voyage, on avait proposé un l'argent, les femmes, le voyage, que thème narratif. Racoleur. Faut attirer le lecteur, hein, exactement. D'accord, ok. Non, mais c'est vraiment, ouais, c'est une expérience curieuse, ce magazine. Je sais pas trop comment l'aborder, moi. En fait, j'aurais dû le lire peut-être avant de vous interviewer. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je tourne autour et je me dis, tiens, il faudrait qu'on fasse un truc avec eux. C'est intéressant de vous découvrir et d'apprendre comme ça. Cobal, t'avais une question? Cobal a tout lu. Cobal a tout lu. Est-ce que tu peux leur faire un retour en live? Tu feras sur un retour. Le contenu sur Dissident, de Dissident. Le contenu, vas-y, fais péter, quoi. Fais-nous rêver. Je trouve ça très bon. D'accord. Je trouve les articles bien écrits, mais bon, c'est aussi du copinage parce que je connais des mecs qui bossent dans Dissident. Non, on connaît tous tout le monde, Cobal. Voilà. On est tous copains, donc. On est tous copains. C'est. Ouais, j'aime bien le recul en fait qu'il y a sur. Ça, c'est l'avantage du magazine sur Internet. C'est que Internet, justement, le fixe, ça doit réagir très à chaud. Comme tu disais, il n'y a pas tellement de recul. Alors que là, t'as un truc documenté. Ça, c'est le MOOC. C'est super pour ça, quoi. Ça, c'est ce qui te... Après, sur les thémas, ils sont pas tous super originaux. L'argent du jeu de rôle, il y a déjà eu un article dans Maxtab il y a un certain nombre d'années. Bon, ça fait une mise à goût du jour. L'argent du jeu de rôle depuis Maxtab, ça a peut-être un peu changé, Cobal. C'est quand vrai, même, hein. C'est vrai. Déjà, on est passé en euros. Déjà, oui. Ça change tout. Alors, regarde le vieux de la vieille, l'encyclopédie Cobal. Ouais, tu es un peu ton vieux con là. Hein. Ouais, je sais. T'en as conscience? Oui, je sais. Mais je suis un vieux con, j'assume. Donc globalement, les articles de fond. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui attire le plus. Hein. Ouais. Ouais. Les aussi, articles de fond, après, les scénarios sont bien, il n'y a aucun souci. Le fait que ce soit du scénario officiel, c'est sympa pour ceux qui veulent suivre une gamme et ne pas faire un scénar qui va exploser l'univers à la fin. Faut dire à nos auditeurs aussi que c'est vachement bien graffé, c'est super bien mis en page. Ah oui, la mise en page est chouette, c'est bien illustré. On voit que c'est vraiment, ça s'inspire du jeu de rôle à ce niveau-là en termes d'illustration. D'illustration évidemment, on a l'impression d'avoir un bouquin de jeu de rôle en fait dans les mains presque. Tu trouves, hein, avec Dissident, en tout cas moi les jeux indés. Mais non, il y a pas de section avec les règles. Oui, d'accord, mais non. Il y a pas plein de tableaux partout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est au niveau de la mise en page, au niveau du travail qu'il y a dessus, ils se font autant chier que les indés américains. Oui et non, parce que à partir du moment où tu fais un magazine un petit peu illustré, tu vas tomber dans des normes de maquette qui vont finir par ressembler à ça. Oui, mais il n'y a pas de pub, par exemple. Ah non, ça c'est vrai. Ça aussi, c'est un gros point fort. Ça, il faut le dire. 0% pub, ouais. C'est un gros point fort du mag. On arrive à se financer, c'était une volonté dès le départ, et on arrive à se financer sans pub. Parce qu'une pub dans le MOOC, c'est une page en moins pour l'article de fond. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc du coup, on ça, a ça se serait mal. Et les pages sont chères chez nous. ça se négocie en fin de rédaction par moment. C'est un peu tendu. On en veut toujours plus, ouais. Ah, sinon, dernier truc, moi j'aimais bien la rubrique un peu people que vous avez fait disparaître. Je dois bien avouer que j'aimais beaucoup. C'est quoi la rubrique people? Alors, il n'y a pas que le JDR dans la vie. Ouais, elle a disparu parce qu'elle n'a pas été. Elle n'a pas été comprise comme on l'aurait voulu. On n'a pas réussi à en faire ce qu'on aurait voulu non plus. Alors, le principe de la rubrique, c'était, même si maintenant donc, elle n'existe plus, comme je le disais tout à l'heure, on veut proposer des rubriques légères entre deux articles de fond. Ouais. Il n'y a pas que le JDR dans la vie faisait partie de ces rubriques légères. On allait interviewer des auteurs ou acteurs, tout du moins du milieu du jeu de rôle, des acteurs connus, et on allait leur poser des questions 0% jeu de rôle. C'était pour l'humour et c'était pour aussi apprendre à les connaître différemment, éviter de toujours leur poser les mêmes questions. Et on a interviewé forcément des gens, des auteurs connus. On a eu Willy Favre, on a eu Jérôme Larrey. Il y a eu Ino. Quand on va interviewer ces gens-là, le lecteur derrière, il s'attend à avoir des vraies réponses. Et vu le côté un peu décalé, pour ne pas dire débile sur certaines questions, forcément le lecteur était déçu. Quand il voyait l'interviewé et ce qu'on a fait de l'interview au final, ça passait pas. Certaines personnes aimaient bien ce côté décalé et cet humour, d'autres personnes moins, voire pas du tout. D'accord. Du coup, on l'a remplacé. Donc le numéro 6 qui vient de paraître, on a rafraîchi certaines, donc on a rafraîchi la maquette et on a rafraîchi aussi les rubriques, la ligne éditoriale. Donc cette interview, il n'y a pas que le JDR dans la vie, a été remplacée par une autre interview qu'on a appelée Avant j'étais rôliste, mais maintenant je vais mieux. Voilà. Maintenant je vais mieux. Et donc pareil, on va interviewer des personnalités, qui ne jouent plus au jeu de rôle ou qui ont joué au jeu de rôle. Donc pour cette première, le parrain c'est Fabrice Collin, donc romancier français et scénariste aussi de bande dessinée. D'accord. Je suis super jaloux. Pourquoi ? Parce que tu aimes Fabrice Collin. Parce que déjà, je suis un gros fan de Fabrice Collin. Je faisais son site web il y a une dizaine d'années. D'accord. Ah, c'est vrai. Ouais. Et puis, j'ai une thématique dans Radio Rôliste là-dessus. J'ai fait des hors-séries sur les anciens rôlistes. Ah ouais ? Oui. Et t'as y avait qui ? Lionel Jospin. Lionel Jospin. C'est une légende urbaine qui a été lancée par Diesel, Steven Spielberg. C'est une légende urbaine qui a été lancée par justement le Bob Zine, que Lionel Jospin est rôliste. Que Lionel, ce qui a priori n'est pas vrai, mais bon. je le vois bien. C'est marrant, ce serait marrant quoi. Voilà. Il y avait qui ? Il y avait. Donc à part Lionel Jospin. Il y avait qui j'ai fait ? J'ai fait Eric Niedan, mais parce qu'il est sorti du milieu professionnel. Ah bon, il a il a sa rubrique dans le 6, enfin à partir du 6. Maintenant, il était rangé des voitures, mais visiblement, vous l'avez fait ressortir un peu le loup du bois. Je vais aller le chercher là, au fin fond de l'Irlande. Et puis, il y avait aussi, j'ai interviewé aussi Léo Vesperini. Ouais. Qui maintenant est éditeur de magazine. Et qui bosse encore chez Casus maintenant, là d'ailleurs. Il fait des trucs chez Casus. Je crois, ouais. Peut-être plus dans les cartes ou les jeux de société. Peut-être, ouais. C'est plus son rayon maintenant. Vous adaptez pas mal à vos lecteurs, si j'ai bien compris. Vous écoutez beaucoup les retours de. Ah, pardon, excusez-moi. On essaye beaucoup les retours de vos lecteurs. Hein. Par exemple, là, la rubrique People, vous l'avez virée parce que les lecteurs. Ça plaisait pas, ouais. Donc du coup on a changé, on a apporté aussi d'autres nouvelles rubriques à partir du 6. Donc il y a le syndrome du panda par exemple, où on va parler d'un jeu qui n'a pas marché à l'époque et qui pourtant est bon. Alors est-ce que si le jeu sortait aujourd'hui... Pourquoi le syndrome du panda ? Pourquoi panda ? C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Le panda est un animal à la con qui est endémique à une région et qui ne peut pas en sortir parce qu'il est obligé de manger ses bambous et c'est tout. D'accord, ok. Et c'est qui se reproduit très mal. C'est pour ça que vous avez appelé ça comme alors, ça. C'est l'interprétation de Cobal, Vincent. Je vois ça comme ça. Il y a aussi une histoire d'une pique de backstab envers Cassius à l'époque. Attention à ton micro. Ouais, te rapproche un peu. Et donc apparemment ça serait une histoire entre Cassius et Backstab à l'époque. D'accord. Il y aurait eu, ah, c'est Croc qui avait dit ça. Ça, ouais, vas-y, attends. C'est quoi l'histoire alors? Ah, je tu sais pas exactement. Je sais pas tout, non. Ah, parce que... j'ai l'historique si tu veux. Ah. Bah alors. Notre historien. Alors notre historien là. Alors. oui, donc, c'est ouais. À l'époque de la mort de Cassius, Croc avait dit oui, de toute façon, si ça marche pas et qu'il crève, eh ben qu'il crève, point. c'est comme les pandas, si cette espèce, ah. Ça sert à rien de l'entretenir artificiellement, si ça doit crever, ça va crever. D'accord, ok. Et c'est pour ça que le forum Casus et No s'appelle panda.net ou je sais pas. C'est sûr, panda pirate, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Ah, c'est pour ça. C'était créé comme ça. Ah, excellent, belle anecdote. Cassius Snow est né à l'époque de la où le vrai Cassius est mort et où Croc a dit ça, voilà. Ouais, c'est énorme. Donc rubrique, le syndrome du panda, ouais, va parler de jeu qui a pas marché à l'époque, mmh, et qu'on trouve plus, et puis alors et que c'était un bon jeu, marché, quoi. Voilà. Alors que c'était un bon jeu. Donc pour ce premier numéro, c'est Dying Earth. Et il a pas marché, Dying Earth. Bah, peut-être pas eu énorme succès, succès d'estime, non. Ouais, voilà. Ah, oui. Énorme succès d'estime, mais bon, il y a de très très bons jeux. Ouais. C'est intéressant, ça, comme rubrique. Pas marché. Ouais. On a en nouvelle rubrique aussi, on a À Saisir, qui est écrit par Kobayashi, qui est connu sur Casus No. Tout à fait. Hein. Et en fait, on. Qui a fait le jeu de rôle sur les. Très bon, là, sur les tranchées. Avec les poils. Ce Kobayashi, c'est celui qui a fait le jeu. Barbarian sauf les Muriens. Non, c'est le livre de l'ours, en fait. Dans les tranchées en 14-18. Ouais, pas un guerre 14-18. Ouais, c'est pas. C'est pas Kobayashi, c'est pas le même. Si, je vois. Je me souviens plus du nom de ce jeu. Bah, les auditeurs, vous mettrez ça dans les commentaires. Vous savez, vous le savez. Oui, ouais, parce qu'en plus, je vois la ouais. Le visuel. Ah, j'avais bien aimé. Visuel, J'avais lu le jeu, j'avais trouvé ça. La thématique, je l'avais trouvé vraiment intéressante. Après, j'ai lu. C'est un rapport de lecture que je peux en faire. Juste la lecture et la promesse du jeu était très bonne. Mm-hmm. Je l'ai jamais testé. Tiens, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait faire sur la cellule, ça, de tester ce jeu. En one shot, ouais. Je me souviens plus comment il s'appelle. Je me souviens qu'il avait un beau nom aussi. Donc voilà. T'es en train de réfléchir, Vincent? Ouais, je vais sur le bout de la langue, c'est énervant le jeu, quoi. C'est... Bon, bah, t'en fais pas. Nos auditeurs le retrouveront, il n'y a pas de souci. Ils le retrouveront. Ouais, donc c'est une rubrique où on va parler des jeux en VO ou des jeux indépendants qui ne sont pas encore forcément édités en France et qui mériteraient de. Ouais. Donc en gros, c'est sortie, vous êtes en train d'avertir Ludovic Papaïs qui a un jeu à traduire. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui fera la rubrique. Ou... On lui balise le terrain. C'est lui qui fera la rubrique, tu sais. Non, il se débrouille très bien tout seul. Il a choisi des jeux. Des projets à venir, des choses dans les cartons. On a plein d'idées, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en parler. On vient de sortir leur série. On fera probablement pas de choses de ce genre-là avant l'été prochain. Donc, c'est encore vraiment trop tôt pour en parler. On a des projets, ça c'est sûr. Une question que j'aime bien poser en général aux acteurs de jeux de rôle que j'interview comme ça, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du jeu de rôle et de son espérance dans l'avenir à vue de pif, Vincent? C'est toujours une question un peu vaste, mais j'aime bien la poser pour savoir comment vous sentez le terrain, quoi. Alors, très riche, enfin, en termes de variété de production, que ce soit des gros jeux comme la Brigade Chimérique, voilà, qui est un jeu à licence. Des petits jeux comme Sombre, Worm. Aujourd'hui, on peut sortir un jeu comme Worm, et puis voilà, il a la reconnaissance. Il y a tous les petits jeux. Bah, justement, on n'arrête pas de parler de la boîte à eux, voilà, ouais. qui peut sortir des jeux différents. Attention, hein, la boîte à jeux, c'est des jeux indépendants américains. C'est Breaking the Ice, c'est une sommité aux States, hein, comme Slay With Me. C'est des petits jeux en France, mais des gros jeux à l'international. Non, des petits jeux par le format, peut-être par la durée de partie, voilà. La production est très riche aussi, je le vois avec le calendrier des sorties dans le fixe que j'ai du mal à mettre à jour. Ouais. Le fixe, ça va faire un an et demi, deux ans qu'il sort toutes les semaines, presque non-stop. Et j'ai toujours quelque chose à dire. Ouais. Je dis presque non-stop parce que cette semaine, il n'y en aura pas parce qu'on est à Octogone. Ouais. Je me suis autorisé un mois de vacances en juillet-août pour lever un peu le pied. Ouais. Mais toutes les semaines, il y a quelque chose à dire dans le fixe. Quoi. Toutes les semaines. En parlant que des jeux francophones, Et puis le calendrier des sorties, les donc, les quoi. Donc vous trouvez que le jeu de rôle est dynamique, qu'il y a de la créativité, En termes créativité, de public, en termes de public, vous sentez un agrandissement, il y a de plus en plus de rôlistes. Un agrandissement, ouais. Bah il y a qu'à regarder là aussi autour de nous, il y a énormément de tables de jeux, il y a énormément de jeunes qui jouent, toutes les tables sont quasi pleines. Hier j'ai joué toute la nuit. Et les tables étaient pleines. Les premières parties se terminaient vers minuit, 1h. Dès que les tables étaient. Enfin, on va dire, il y avait un deuxième service, quoi. Ouais. Il y avait des parties qui se lançaient à minuit, 1h. Ça fait super plaisir de voir ça, de voir toutes ces tables remplies. Ça n'arrête pas de jouer. Il y a plein de générations. Enfin, ouais, on retrouve l'esprit, enfin, jeu de rôle, quoi. Je trouve ça renaissant, moi aussi. Il y a Julien qui est reparti sur son stand et est en train de vendre des dissidents là. Vous avez eu beaucoup de monde, beaucoup de passages sur le stand. On a eu beaucoup de monde, comme l'année dernière. Donc l'année dernière était très très satisfaisante. Donc c'est pour ça qu'on est revenu cette année. On vient de Lille, en fait. Donc on fait Lille-Lyon. D'accord. On voit. Il y a énormément de monde qui vient sur le stand. Moins en début d'après-midi, milieu d'après-midi, quand c'est les parties qui se lancent. Ouais. Tous les rôlistes sont en train de jouer. Après cette année, on découvre c'est autre chose. L'année dernière, on devait se présenter, on devait présenter le MOOC, on devait dire un peu qui on était. Alors que là, maintenant, les gens viennent. Maintenant, les gens viennent, nous connaissent, ils prennent éventuellement les numéros qui leur manquent sur leur collection, ils viennent discuter, ils viennent renouveler leur abonnement. Donc c'est un plaisir différent en fait cette année. D'accord. C'est bien. Vous êtes là juste pour profiter de votre succès, entre guillemets, quoi. Non, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais on vient. Non, on peut, être fier sans être prétentieux. On est fiers de ce qu'on a fait. Et on vient aussi pour. Nous, c'est pareil, au stand de l'Indé, on n'a jamais autant bien marché que cette année, ça marche vachement bien. Aussi parce que grâce à la cellule et tout, on commence à un petit peu être. Les gens connaissent nos voix, on est content, on n'est pas prétentieux pour autant. C'est aussi l'occasion de entre guillemets de voir les copains, quoi. Donc ça c'est vrai. Il y a nos amis toulousains donc qui participent à Dissident, Jérôme Brandelaret, il y a Laurent Desvernet, Louis Ludovic de la boîte à eux. J'ai pu rencontrer Cobal que j'arrêtais pas d'embêter par mail ou par MP. Tu vous étiez jamais rencontré alors que pourtant tu viens souvent toi à Octogone. Pardon ? Tu viens souvent à Octogone toi ? Non, c'est la première fois que je viens à Octogone. Ah bah non. Bah je pensais que tu venais régulièrement dans la région. Je t'avais vu à. Non, il y a quelques années, j'allais à la convention du Clugy. La convention du Clugy, le club des jeux de l'INSA, juste à côté, mais à Octogone, c'est la première fois. Julien, du coup, tu étais parti à ton stand, poser ma dernière question qui est. Tu trouves qu'il y a au monde du jeu de rôle, ça va, ça se porte bien, il y a de plus en plus de rôlistes selon toi ou non, tu penses que. Bah, je sais pas s'il y a de plus en plus de rôlistes, mais en tout cas, je pense pas que le jeu de rôle soit mort du tout. Ah non. Au contraire, il se diversifie vraiment beaucoup. On le voit avec plein de jeux vraiment très différents qui sortent, avec des mécaniques qui renouvellent un petit peu le genre. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Après l'avenir du jeu de rôle, je pense qu'on est en phase de mutation d'une façon ou d'une autre, que ce soit entre la micro-édition, avec justement les jeux narratifs qui apportent des choses vraiment très différentes. Alors, on n'aime pas cette appellation-là, nous, sur la cellule, mais bon, les gens les appellent en général, mais. On va pas en discuter, mais. Et je pense vraiment que là on est dans un moment charnière. Il y a quelque chose qui se passe, Et que c'est vraiment très intéressant de vivre ça maintenant, quoi. Qu'on espère que ça va mener vers un nouvel âge d'or, parce que maintenant avec les autres médias, on sait que le jeu de rôle a un côté un petit peu archaïque quand même, avec le côté papier, le côté se mettre autour d'une table. Mais justement, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire autour du jeu de rôle maintenant. Ouais. Eh bien, merci messieurs. Pour Dissident déjà. Merci pour Dissident déjà, parce que c'est un MOOC de qualité. Et avec des thèmes intéressants, vraiment. C'est un travail, on voit, vous y réfléchissez. activement. C'est intéressant d'en discuter avec vous. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi, Cobalt, d'y être intervenu comme ça. D'être passé. Et d'avoir fait ton encyclopédie. Heureusement que tu es là, parce que moi, tu vois, je ne connais pas encore dissidents. Je découvre avec eux. Je vois que c'est l'air d'être des gens charmants. Je vais probablement acheter les PDF quand je rentrerai à la maison. J'ai une tablette et tout, donc je vais pouvoir me la péter avec ma tablette et mon dissident. Parce que j'ai malheureusement, par contre, 10 € pour le papier, ça, pour moi, ça fait trop cher. Mais la version PDF est beaucoup moins chère. Bah oui, justement, ils disent à 3 €. C'est vrai que c'est là, du coup. Mais bon, peut-être que pour la maison, un de ces quatre, quand même, je les achèterai en papier. Les thèmes qui vont me sembler les plus intéressants, je les laisserai traîner dans mes chiottes. Voilà, ce sera votre place. Mais c'est une place de choix. Mais c'est une place de choix. Hein. Ne vous y trompez pas. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À vous. Merci. Merci, ciao.